Belly ugly. Ça va aller le coup, hein, de rien branler, de s'engueuler. On arrive, on descend, tu es en bas.